بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل دراستنا بحول الله جل وعلا في كتاب التوحيد الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بهذا العلم وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. وبعد، donc on va continuer inchallah sur la lecture et l'étude du livre de l'unicité du grand imam Mohammed ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Et donc dans la dernière allocution, on avait conclu notre allocution avec la lecture d'une lettre qu'avait rédigé le grand imam de son temps et de son époque, Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala. Et donc on avait dit que Al-Hassan al-Basri, c'était un homme qui avait marqué son époque, du fait qu'il a vécu à l'époque des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et donc il a été éduqué auprès de ces hommes, et donc il a tiré de cette science, il a appris de la science, le savoir, la piété, l'ascétisme, le bien, et de ce fait, c'est devenu une grande référence. Et aujourd'hui, hein, jusqu'à aujourd'hui, les grands savants de l'islam, eh ben, lorsqu'ils rédigent des livres ou autres, eh ben, ne cessent d'évoquer les sagesses de ce grand imam qui était l'imam al-Hassan al-Basri. Donc, on avait dit, lui, il a grandi à Médine, sauf que plus tard, il vivra. Et bien, du côté de l'Irak, en cette terre de Al-Basra. Al-Basra, c'est pour cela qu'il sera surnommé Al-Hassanou Al-Basri, pour cela. Et donc hier, on avait conclu notre allocution, ce cours, lorsqu'on avait mentionné justement une lettre de ce grand imam Al-Hassan Al-Basri, qu'il avait rédigée pour le grand calife de l'époque, l'un des meilleurs califes de l'empire Omeyyade, de la dynastie Omeyyade, qui était Omar ibn Abdelaziz, rahimahullahu ta'ala, qu'Allah leur accorde à tous deux sa miséricorde. Et on avait lu cette lettre, mais comme on avait lu cette lettre très rapidement, donc je vais relire certains points de cette lettre pour clarifier certains points importants. C'est une grande exhortation, et ensuite on continuera inchallah sur l'explication de ce nouveau chapitre dont on a commencé l'étude hier. Donc dans cette lettre, donc Al-Hassan al-Basri s'adressait au calife en lui disant « au commandeur des croyants ». Donc là, il va faire vraiment un grand rappel, c'est une lettre d'exhortation et d'incitation au bien. Et tous deux étaient connus et célèbres pour leur droiture, hein, pour leur piété. Et alors il lui dit « sache que ce bas monde n'est pas une demeure où l'on s'établit ». Donc là, on voit vraiment qu'on a un rappel sur le fait dans cette parole-là que ce bas monde n'est pas une demeure où l'on s'établit, du fait que c'est une demeure qui est éphémère et qui ne dure pas. Et pour cela, il dit, Adam, alayhi salam, le père de l'humanité, y est descendu en guise de châtiment. Il suffit à celui qui ne connaît pas la récompense d'Allah de savoir qu'il y a une récompense De même, il suffit à celui qui ne connaît pas le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala de savoir qu'il y a un châtiment. Et ce bas monde agit d'une manière singulière. Donc, regardez, c'est très pertinent ce qu'il dit. Lorsque l'imam alors écrit cela, il dit, il suffit à celui qui ne connaît pas la récompense d'Allah. C'est-à-dire que parfois, ce qu'on peut comprendre de cette parole, parfois on ne connaît pas à travers une action, lorsqu'on œuvre, hein, parfois on ne connaît pas forcément la récompense. Mais il suffit de savoir qu'il y a une récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que cela nous incite à œuvrer et à bien agir. Et on peut comprendre donc de cette parole du grand imam Al-Hassan al-Basri qu'il y a une incitation à accomplir les bonnes actions. Et les croyants, eux, cette vie d'ici-bas, justement, ils l'utilisent pour accomplir les bonnes actions. Et ce temps qu'on a dans cette vie d'ici-bas, eh ben, on l'utilise pour accomplir les bonnes œuvres et les bonnes actions. Donc, il suffit à celui qui ne connaît pas la récompense d'Allah ce printemps-là de savoir qu'il y a une récompense. Le fait juste de savoir qu'il y a une récompense dans l'application d'une œuvre, alors cela incite et exhorte le croyant à l'accomplir. De même, il suffit à celui qui ne connaît pas le châtiment d'Allah de savoir qu'il y a un châtiment. De même, on pourrait comprendre, Wallahu a'lam, et Allah est le plus savant en cela, qu'il suffit pour le croyant de savoir qu'à travers une action, il y a un châtiment d'Allah pour que cela le dissuade de faire cela. De même, il suffit, donc il dit à celui qui ne connaît pas le châtiment d'Allah, de savoir donc qu'il y a un châtiment. Même si à travers une action ou autre, on ne connaît pas le châtiment, mais comme il dit, il suffit à celui qui ne connaît pas le châtiment d'Allah, par rapport, peut-être il veut dire par rapport à une action précise, de savoir qu'il y a un châtiment. Et ce bas monde, il dit, agit d'une manière singulière. Alors ensuite, il continue dans sa lettre et il dit, il humilie celui qui l'honore, rabaisse celui qui l'élève, rend pauvre celui qui amasse ses biens, et il fait des victimes à chaque instant. On s'y approvisionne en le délaissant, le véritable riche en ce bas monde est celui qui apparaît pauvre. Donc ici, il parle du bas monde, il parle de cette vie d'ici bas, en disant que ce bas monde, eh ben, il humilie certaines personnes. En l'occurrence, il veut citer d'une manière particulière ceux qui l'honorent. C'est-à-dire, il dit, regardez, il humilie celui qui l'honore, donc celui qui va honorer cette vie d'ici-bas, ce bas monde, en lui donnant toute l'importance et en délaissant donc l'au-delà et en donnant aucune importance à l'au-delà, alors il dit qu'il humilie celui qui l'honore et rabaisse celui qui l'élève. Donc ce bas monde aussi rabaisse celui qui l'élève et rend pauvre celui qui amasse ses biens. À la fin, la personne qui n'a cru qu'en l'argent, qui n'a cru qu'au bien, qui n'a cru qu'en cette vie d'ici-bas, eh ben, à la fin, il aura des regrets et en réalité, il sera victime de cette vie d'ici-bas et en réalité, il fera partie des pauvres. Et il dit, dans cette vie d'ici-bas, dans ce bas monde, on s'y approvisionne en le délaissant. Donc la personne, il vit ici-bas, il s'approvisionne, mais en réalité, ce bas monde, il va le délaisser. Le véritable riche en ce bas monde, il dit, est celui qui apparaît pauvre. Vous avez vu, c'est une exhortation qui est énorme. Ensuite, il dit par Allah, au commandeur des croyants, ce bas monde est tel qu'un poison. Celui qui ne le connaît pas l'ingurgitera pour guérir, mais finira par en mourir. Sois donc, au commandeur des croyants, tel celui qui soigne sa blessure en souffrant légèrement par crainte de devoir souffrir plus par la suite. Ce dernier endure la dureté du remède de peur d'avoir à vivre un calvaire. C'est pour ça que là, c'est une grande illustration et un grand exemple que donne ici l'imam Al-Hassan al-Basri dans cette lettre qu'il lui a attribuée. Alors, il dit, regardez, au commandant des croyants, et il va dire, ce bas monde, alors, il est comparable à un poison, du fait que celui qui va ingurgiter ce poison, alors, il voudra en guérir. Mais, il dit, il va finir par en mourir. Alors, il dit, sois donc au commandant des croyants. Tel celui qui soigne sa blessure en souffrant. Même si dans ce bas monde, la personne, il doit souffrir. Même s'il doit trouver de la fatigue. Pourquoi? Parce que celui qui veut de l'au-delà, alors, il doit se fatiguer. Il doit mériter le paradis, la récompense d'Allah qui est immense. Et c'est pour cela que cette récompense, elle vaut cher. La personne ici-bas, il doit alors se fatiguer. Il doit faire des efforts. Il doit être persévérant, constant. C'est pour cela qu'à l'époque, un pieux prédécesseur, un grand imam parmi les dévots, on lui demanda, lorsque les gens le voyaient, qu'il était vraiment dévot, il était vraiment constant dans ses adorations, et les gens voyaient de son apparence parfois qu'il était fatigué, vraiment il faisait des efforts dans l'adoration d'Allah et dans son culte qu'il vouait à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ils lui ont dit, hé hey, imam, ô toi le dévot, jusqu'à quand cette fatigue? Et il leur a dit, cette fatigue jusqu'à ma mort. Jusqu'à ma mort, pourquoi? Parce qu'ensuite, lui, il voulait connaître le repos dans sa tombe et dans l'au-delà. Donc c'est pour ça que beaucoup d'imams disaient que cette demeure-là, c'est la demeure de l'action, de la mise en application. Donc automatiquement de la fatigue. La personne doit se fatiguer. Pour cela, cet homme, il est même mentionné dans un autre énoncé lorsqu'ils lui ont dit, jusqu'à quand tu vas te fatiguer? Il a mata tout ibn nafsaka hakada. Il a mata tout aib, nafsaka hakada, jusqu'à quand tu vas te fatiguer de la sorte? Alors il disait, par Allah, c'est son repos que je veux, c'est-à-dire de son corps. Alors que les gens, d'une manière apparente, ils voient que le corps est fatigué, mais lui, en réalité, il disait, en faisant cela, c'est le repos de mon corps et de mon âme que je veux. C'est pour cela que la personne, peut-être, qui soigne, regardez l'imam Al-Hassan al-Basri, comment il illustre cela et l'exemple qu'il donne. Il dit, celui qui soigne sa blessure en souffrant légèrement par crainte de devoir souffrir plus par la suite, ce dernier endure la dureté du remède de peur d'avoir à vivre un calvaire. Ensuite, il dit, ô commandeur des croyants, les gens clairvoyants et méritoires, d'ici-bas, marchent en toute humilité, s'habillent avec le strict minimum et n'expriment que ce qui est juste. Leur nourriture se compose de denrées obtenues de manière licite, leur clairvoyance leur permet de percer à jour la réalité de l'au-delà et celle d'ici-bas. Ils ont la même crainte sur terre qu'en mer, leur invocation en temps d'aisance sont identiques à celles qu'ils font en période d'affliction. Et là, c'est vraiment un grand rappel, une grande exhortation que l'imam fait ici, Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il dit vraiment les gens qui ont la clairvoyance, c'est-à-dire ces gens qui ont compris, qui ont du savoir, qui ont de la connaissance. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des gens qui sont clairvoyants. Eh bien, avec leur clairvoyance et leur savoir, ils connaissent la réalité de cette vie d'ici-bas. C'est pour cela que pour eux, elle est insignifiante, cette vie d'ici-bas. C'est pour cela que eux, eh bien, c'était des gens qui étaient vraiment modestes et c'était des gens qui s'enflaient pas d'orgueil dans cette vie d'ici-bas. Pourquoi? Parce que l'orgueil, ça mène au péché. Et l'orgueil, justement, beaucoup, beaucoup, qui se sont opposés à la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, et beaucoup de gens qui sont tombés dans des formes de polythéisme et d'associationnisme, beaucoup, eh ben, la cause, c'est l'orgueil. Regardez par exemple Iblis, lorsqu'Allah Jalla wa Ala, Shaitan, lui a ordonné de se prosterner pour lui, alors il s'est enflé d'orgueil. Donc l'orgueil pousse les gens et les mène vers le péché, vers même le polythéisme et à la rébellion envers leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et ensuite, ils en sont perdants. C'est pour cela que, regardez, il fait une grande exhortation. Donc, pour celui dont cette vie d'ici-bas est insignifiante par rapport à l'au-delà, alors il va marcher avec humilité. Donc, le croyant n'est pas un tyran. Le croyant, ce n'est pas une personne qui cherche la suprématie, qui désire la suprématie par rapport aux autres, ou une personne qui chercherait le pouvoir. C'est pour ça que le croyant ne cherche pas ni notoriété, ni célébrité, ni les honneurs et les éloges des autres, mais ce qu'il recherche, c'est la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc vous avez vu, hein, c'est un grand, grand travail à faire sur soi-même. Il faut vraiment que là, le croyant, lorsqu'il apprend, il se conditionne, et il faut vraiment faire un grand travail sur soi-même. Pourquoi? Parce que justement, les sociétés actuelles nous apprennent le contraire, nous apprennent à rechercher justement la notoriété, la célébrité, nous apprennent à convoiter le pouvoir, à convoiter les rangs élevés, alors que le croyant, le musulman, cela n'est pas important pour lui. Ce qui est important, c'est l'agrément de son Seigneur. Et c'est d'accéder à la miséricorde de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et puis lui, ce qui est important, il vit dans cette vie d'ici-bas, avec les choses licites qui lui sont permises, parce qu'Allah Jalla wa Ala nous a autorisé de jouir des bonnes choses de cette vie d'ici-bas. Donc le croyant vit dans cette vie d'ici-bas et il jouit des choses permises. Et Allah dit que celui qui est réellement croyant et qui lui voue le culte pur, Allah Jalla wa Ala va faire que cette vie sera une bonne vie pour lui. Le croyant n'a pas à s'inquiéter. Mais toute Tous nos désirs et notre convoitise, c'est l'au-delà. C'est d'accéder à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la récompense ultime d'Allah Jalla Jalalu. Pour ça, c'est un grand appel lorsque l'imam dit que le croyant marche ici-bas en toute humilité, s'habille avec le strict minimum et n'exprime que ce qui est juste. Leur nourriture se compose de denrées obtenues de manière licite. Regardez le croyant, ce qui lui incombe, c'est que sa nourriture, son alimentation, sa boisson soit du licite. Il ne rentre pas le haram dans son ventre et il ne s'approvisionne pas de haram, d'interdit, et sa nourriture n'est pas une nourriture interdite. Le croyant, ce qui lui incombe, c'est de gagner, d'obtenir que l'acquisition de ses biens et de son argent soit halal, soit licite. Contrairement à ceux qui ont troqué leur au-delà pour cette vie d'ici-bas. Ceux qui ont troqué leur au-delà pour cette vie d'ici-bas, ils n'ont que faire de la manière dont ils obtiennent cet argent-là, ces biens-là, qu'ils soient halal ou bien haram. Et d'ailleurs, dans un hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit qu'il va arriver une époque où l'individu ne fera pas attention, il n'émettra pas de soucis par rapport à son acquisition et l'obtention de ses biens. Est-ce que ça provient du halal ou bien est-ce que ça provient du haram, que l'individu ne portera pas attention à cela, que ça vient du halal ou bien du haram, eh bien, ce qui sera important pour lui, c'est d'amasser les biens. Or, lui, le croyant, celui qui a troqué cette vie d'ici-bas pour celle de l'au-delà, celui qui veut l'au-delà et l'agrément de son Seigneur, alors lui, il fait attention que ses biens soient licites. Et vous avez vu, comme on avait fait un rappel hier par rapport aux nouvelles sociétés, par rapport à la mondialisation, par rapport au fait que beaucoup de sociétés maintenant, et donc beaucoup d'individus, beaucoup de gens sont sous l'emprise d'argent, sont devenus des esclaves et des adorateurs des biens et de l'argent, et beaucoup d'entre eux donc sont sous l'emprise de cela. C'est pour ça qu'on a dit beaucoup ne croient qu'en l'argent, et même eux le disent, ils ne croient qu'au bien, qu'en l'argent, à tout ce qu'ils vont amasser ici-bas. Tout ce qu'ils vont amasser ici-bas. Alors que dans des versets, Allah Jalla wa'ala nous dit « Ma aghna anni maliya, halaka anni sultaniya ». Les gens qui, où tous leurs soucis, toute leur attention était d'amasser les biens dans cette vie d'ici-bas, Allah dit dans un verset qu'ils diront, à un moment donné, ils diront « Ma aghna anni maliya ». Et ils diront « Oh certes, mes biens ne m'ont servi en rien. Mon argent ne m'a servi en rien. Halaka anni sultaniya. Et mon pouvoir m'a fait périr. Halaka anni sultaniya. Mon pouvoir m'a fait périr. » Et dans un autre verset, Allah Jalla wa'ala, dans une sourate, lorsqu'Allah dit « Wailun li kulli humazatin lumaza, alladhi jama'a malan wa addada, yahsabu anna malahu akhlada. » Allah dit, il va parler de ceux qui amassent l'argent en pensant que cet argent va faire qu'ils vont devenir éternels, que cet argent va les éterniser. Il dit « Alladhi jama'a malan wa addada. » Donc il fait allusion à ceux qui amassent l'argent et comptent, ne faut que compter cet argent. Et on voit bien, subhanallah, c'est ajib, c'est très étonnant, puisqu'on voit bien, à l'heure actuelle, on a eu beaucoup d'exemples et on a beaucoup d'histoires qui disent qu'il y a des gens, même à la fin de leur vie, hein, ils ont dépassé la soixantaine d'années ou 70 années, ou bien ils ont dépassé les 80 ans ou 90 ans à la fin de leur vie. Des gens qui paraissent d'une manière apparente, qui vivent une vie normale et modeste, mais c'est des gens qu'on se rend compte que dans leur compte, ils avaient des sommes et des sommes et des sommes d'argent. Et combien de gens ne faisaient pas apparaître cela? Et on voit qu'ensuite, lorsqu'ils décèdent, ils laissent des héritages, des sommes et des sommes, des comptes remplis d'argent. Et là, ça illustre vraiment ce verset, illustre vraiment ces gens qui, de leur vie, leur but, c'était d'amasser, de ramasser l'argent et de compter. Donc, il y en a qui ne profitent même pas de cet argent. Combien de gens qui sont avares et ne profitent même pas de cet argent? C'est pour ça que les grands savants de l'islam nous enseignent que celui qui a profité de son argent, et bien plus encore, ils disent, celui qui possède son argent. C'est-à-dire que celui qui a une somme et qui possède réellement cette somme, c'est celui qui la dépense et qui s'en est servi. Pourquoi? Parce que ce qu'il n'a pas dépensé encore, il ne sait pas s'il va s'en servir et s'il va en profiter. Donc c'est pour ça que beaucoup de grands savants de l'islam ont dit qu'en réalité, l'argent qu'on possède, c'est ce qu'on a dépensé. Donc c'est cet argent, donc on a tiré profit. Et regardez, dans ce verset, Allah Jalla wa'ala nous parle de gens qui, eux, amassent et ne font que compter. Regardez, Allah dit, Jamara malan wa addada. Alors il amasse l'argent et il compte. Et ils comptent. Et combien de gens, quand on a dit, même arrivés à leur fin de leur vie, eh ben, ils comptent. Ils comptent. Et j'avais lu une histoire, une fois j'avais vu une histoire, ça se passait en France justement, il racontait que un homme qui avait amassé de l'argent, et il avait cet argent chez lui, dans une boîte, bien caché, et chaque mois, pour eux, c'était un rituel. C'était un rituel. Lui et sa conjointe, son épouse, chaque mois, ils sortaient la somme d'argent et ils la comptaient. Et il la comptait. Il disait qu'il y avait à peu près une somme de à peu près de 800 000 euros et qu'il comptait. Et ces gens ne se servaient pas de cet argent. Elle était enfouie dans une boîte. Et chaque mois, c'était un rituel de compter les billets et de vérifier qu'il y avait cette somme. Donc les gens regardaient, amassent, amassent et ils comptent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, dans le Coran, justement, il nous parle de cette catégorie de gens. Allah dit jamara malan wa addada. Ensuite, Allah il dit à leur sujet, Yahsabu anna malahu akhlada. Il pense que son argent va le rendre éternel, le faire éterniser dans cette vie. Et subhanallah, on voit que beaucoup de gens, lorsqu'on leur parle de la mort, on a l'impression tellement ils sont pris par leur amour d'ici-bas, tellement ils sont pris par le fait d'amasser les biens, compter l'argent, compter les biens, alors tellement ils sont pris par cela, alors ils en oublient même, justement, leur délai et cette mort. Ils oublient même leur délai et cette mort. Et ça, c'est quelque chose de ajib, quelque chose de ajib. Et alors Allah dit, Yahsabu anna malahu akhlada. C'est pour ça qu'un grand imam disait que il n'y a pas une chose qui ressemble plus au doute, si ce n'est la mort. Il n'y a pas une réalité, une vérité qui ressemble plus au doute, si ce n'est la mort. Pourquoi? Parce que la mort, c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose que personne ne peut nier. C'est une réalité. Que la personne soit croyante ou non, personne ne peut nier cette réalité qui est la mort. Mais un grand savant, regardez cette parole, qui est vraiment une parole énorme, lorsqu'il dit qu'il n'y a pas une vérité qui ressemble plus au doute. C'est une vérité en réalité qui est inéluctable. Personne n'a le doute sur la mort, puisque personne ne peut renier cela, croyant ou bien non-croyant. Mais par contre, c'est une chose qui ressemble au doute, tellement, tellement les gens, eh ben, sont pris par leur amour d'ici-bas et le fait d'amasser les biens et de se rivaliser, de se concurrencer dans cela. Alors, lorsqu'on leur fait le rappel qu'il y aura une fin et qu'il y a une fin à tout et qu'il faut se préparer pour cette fin, eh ben, c'est comme si, alors là, ils sont aveuglés et c'est comme si pour eux, cette fin n'arrivera jamais. Subhanallah. Et regardez comment Iblis, Satan, eh ben, a dupé et trompé les gens. C'est pour ça que Allah Jalla wa Ala, dans ce verset, c'est un verset qui est immense lorsqu'il dit Yahsabu anna malahu akhlada. C'est un verset qui est immense et on voit ça, on voit cela à travers la manière d'agir des gens. Alors Allah nous dit, et il pense donc que ces biens et cet argent, eh ben, vont l'éterniser ou le rendre éternel. Et c'est pour cela que lui, le croyant, n'est pas esclave de cela. On a le droit de se servir de cela, on a le droit de gagner des biens, de gagner de l'argent. Allah Jalla wa Ala, il y a des serviteurs à qui il a donné. Il y a des croyants à qui Allah Jalla wa Ala leur a donné la richesse. Et il y a des croyants à qui Allah Jalla wa Ala n'aura pas donné cette richesse. C'est Allah qui donne à qui il veut. Et il y a un bien en cela. Et le croyant, quoi qu'il arrive, à qui celui dont Allah Jalla wa Ala lui a octroyé une richesse et celui dont Allah lui a octroyé moins, chacun, eh ben, est reconnaissant de son Seigneur et accepte ce dont Allah Jalla wa Ala lui a décrété, prédestiné comme bien et subsistance. C'est pour ça que c'est un chapitre immense qu'on est en train d'étudier. Et donc, on va terminer sur cette parole de Hassan al-Basri, très brièvement pour qu'on puisse continuer l'explication du chapitre et de notre cours. Alors, regardez, il dit pour terminer, alors ils ont la même crainte sur terre qu'en mer. Ces gens ont la même crainte sur terre qu'en mer. C'est-à-dire que qu'ils soient en train de subir un naufrage, en train de couler en pleine mer, dans une difficulté, dans la détresse, qu'ils soient en pleine mer ou qu'ils soient sur terre, leur invocation est identique. Alors imaginez-vous une personne qui est en pleine mer, et on avait déjà illustré cela dans une allocution précédente. Alors imaginez-vous cette personne en pleine mer, en train de, par exemple, qui est dans la détresse, en train de couler. Imaginez-vous cette situation. Eh bien, l'imam ici nous dit que la personne qui est en sécurité sur terre, eh bien, il invoque Allah. Tellement il invoque Allah, eh bien, que cette personne qui sera en pleine mer ou bien sur terre, en sécurité, leur invocation est identique. C'est-à-dire que celui qui est en sécurité, son invocation est identique à celle qu'ils font en période d'affliction. Et pour terminer, il dit, nuit est le terme fixé à chacun. Leur âme ne serait restée que peu de temps dans leur corps, tant ils craignent le châtiment et tant ils désirent ardemment la récompense divine. Donc vous avez vu ici, on comprend bien ce qu'on avait illustré dans une autre allocution, dans un autre cours, lorsqu'on avait parlé l'importance que le croyant adore Allah Jalla wa Ala avec deux piliers. Donc on avait cité deux piliers pour l'adoration, l'espérance et la crainte. Très important, le fait d'adorer Allah Jalla wa Ala en espérant sa récompense, en espérant sa miséricorde et son agrément, et aussi on adore Allah Jalla wa Ala en le craignant. On craint sa punition, on craint son châtiment et on craint son mécontentement et sa colère. C'est pour ça qu'on avait dit que le croyant adore toujours Allah avec ses deux piliers. Comme c'est le cas pour, on a dit, les deux ailes d'un insecte. On doit équilibrer entre les deux. Et certains savants, beaucoup de savants, ont rajouté un troisième pilier pour l'adoration. On avait illustré cela, on avait fait une allusion à cela. C'est l'amour, le fait d'adorer aussi Allah Jalla wa Ala avec amour. Alors, c'est pour ça que le croyant, il adore Allah avec espérance, comme on l'a expliqué, et crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que certains savants nous expliquent. Donc on doit toujours équilibrer entre les deux. Il faut que toujours, il y ait un équilibre entre l'espoir et la crainte, pour ne pas sombrer dans une forme d'extrémisme. Par contre, ils disent à certains moments, par contre, il y a une nuance, cependant. Néanmoins, à certains moments, il faut que le croyant, ici, fasse emporter le côté, par exemple, de l'espérance. Ou bien parfois, à certains moments, il va faire emporter le côté de la crainte. Par exemple, au moment où le croyant se retrouve face à un péché et de peur d'accomplir ce péché, donc il doit se rappeler la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il doit faire emporter le côté de la crainte. Pourquoi? Pour ne pas sombrer et tomber dans ce péché. Donc lorsqu'on est face à un péché, par exemple, pour ne pas tomber dans ce péché, donc là, on se remémore justement la punition, la colère d'Allah, et là, le côté de la crainte l'emporte ici. On fait prévaloir le côté de la crainte. Par contre, il y a d'autres moments où là, les savants nous disent qu'il faut, comme l'explique Cheikh Ibn Athaymin dans son commentaire de Kitab al-Tawhid, qui est intitulé « Al-Qawl al-Mufid bi-Sharh al-Kitab al-Tawhid ». Donc dans ce livre-là, Cheikh Ibn Athaymin détaille bien cette question. Il va dire à un moment, par contre, dans d'autres situations, dans d'autres circonstances, donc là, le croyant fera devancer, prévaloir le côté de l'espérance. Par exemple, une personne qui est malade. On rend visite à une personne qui est malade, par exemple, et souffre de douleur. Ou peut-être qu'une personne, c'est peut-être la faim, Wallahu a'lam. Et donc là, cette personne souffre. À ce moment-là, cette personne, on va l'exhorter. Et là, on va faire prévaloir le côté de l'espérance pour que cette personne espère. Et à ce moment-là, alors qu'il est malade, il est dans une situation faible, alors là, on lui parle de la récompense d'Allah, de la clémence d'Allah, du paradis d'Allah. On lui parle de cette immense récompense et rétribution qu'Allah Jalla wa Ala a réservée à ses croyants. On lui parle, par exemple, de l'immense récompense pour ceux qui sont affligés, en état de détresse, qui sont malades, qui sont éprouvés, et qui patientent, qui sont endurants, persévérants, en espérant la récompense d'Allah. On leur parle de tout ça pour que cela les encourage à toujours avoir une bonne pensée envers leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Sinon, dans des circonstances normales, le croyant, toujours essaie de garder un équilibre entre l'espérance et la crainte, comme on l'a expliqué. Sauf qu'il y a des nuances. Dans certaines circonstances, on fait prévaloir le côté de la crainte, et d'autres circonstances, on fait prévaloir le côté de l'espérance. Et regardez, c'est ce que sous-entend ici l'imam lorsqu'il dit, et ils ont la même crainte. Regardez, il dit, et nuit était le terme fixé à chacun, leur âme ne serait restée que peu de temps dans leur corps, tant ils craignent le châtiment et tant ils désirent ardemment la récompense d'Allah. Vous avez vu, il parle de ces deux sentiments, ces deux adorations qu'on avait dit, ces deux adorations du cœur. Et donc, ce sont les savants les considèrent comme des piliers de l'adoration. À leurs yeux, ensuite, il continue, on termine. À leurs yeux, le Créateur est immense, alors que les créatures sont insignifiantes. C'est pour ça que lui, le croyant, comme on a dit, nous, ce qu'on considère, c'est la piété. C'est ça, pour nous, les bonnes valeurs l'emportent, l'aspect moral, comme on avait dit, l'emporte sur l'aspect financier. Pour nous, ce qui incombe, c'est la bonne morale, c'est les bonnes valeurs, c'est la piété de la personne. C'est ça, pour nous, ce qui importe. Et ensuite, il termine en disant: contente-toi de prendre ce qui te suffit pour survivre, en espérant que tu te satisfasses de ce qu'il t'a octroyé. Vous avez vu, ça, c'était une énorme exhortation dans cette lettre qui est attribuée à Al-Hassan al-Basri. Donc, j'ai voulu revenir sur la lecture de cette lettre, de ce grand rappel, puisqu'hier, dans la dernière allocution, on avait fini par la lecture de cette lettre, mais on l'avait fait d'une manière très, très rapide. Donc, j'ai voulu qu'on profite de certains points très importants dans cette lettre. Donc, on va continuer, Inch'Allah, sur l'explication du chapitre. Donc, vous avez vu l'auteur, donc, dans ce chapitre, on avait dit, en intitulé, il a mentionné le verset où Allah, Jalla wa Ala, nous dit qu'en vérité, Allah, donc une traduction relative du sens du verset, Allah, en vérité, est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable, dans une traduction relative. Donc on a Razzaq ici, ensuite on a Dhul Qulwatil Matin dans le verset. C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Ensuite, lorsque l'imam al-Bukhari, en intitulé, il a utilisé ce verset, ensuite il va mentionner un hadith du prophète, alayhi salatu wa salam. Et le hadith qu'il va citer ensuite, c'est le hadith où, dans un hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit: personne n'est plus patient qu'Allah, que notre créateur, qu'Allah, face aux paroles nuisibles qu'il entend. Il lui attribue un enfant, puis il leur accorde la santé et il leur accorde leur subsistance. Donc c'est ce hadith ensuite qu'on va étudier. Premièrement, donc dans le verset du Coran qui est le titre et l'intitulé du chapitre, on a la mention de l'un des noms d'Allah, c'est-à-dire le pourvoyeur, ce qu'on appelle Razzaq, ce qu'on traduit par le dispensateur ou bien le pourvoyeur, celui qui octroie, donc comme on l'a dit, la subsistance. Ensuite, Allah dit qu'il est Dhul Quwwatil Matin. Il est celui qui a, Al-Quwwa, c'est la force. Al-Quwwa, c'est la force, donc celui qui détient la force ici, parfaite, Al-Matin, qu'on pourrait traduire que dans la traduction du Coran, ils traduisent par l'inébranlable. Subhanahu wa ta'ala. Donc, premièrement, on avait dit, c'est pour cela que dans ce chapitre, donc on va apprendre, après qu'on a appris dans le chapitre précédent, qu'Allah, eh ben, est le tout miséricordieux, maintenant on apprend, comme on l'a dit dans la dernière allocution, qu'Allah, Jalla wa Ala, est celui qui est le grand pourvoyeur, celui qui octroie la subsistance, on a dit, de tous les êtres, de toutes ses créatures. Que ce soit les croyants ou bien les non-croyants. On avait dit même les bestiaux. Allah, Jalla wa Ala, a lui incombe leur subsistance. Que ce soit des grandes bêtes, comme des fauves, ou même les insectes ou autres. Allah, Jalla wa Ala, accorde la subsistance pour toutes ces créatures, subhanahu wa ta'ala. Et ça prouve la perfection d'Allah et l'immensité, la grandeur et la magnificence de notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que celui qui adore Allah, Jalla wa Ala, en sachant, on a dit que Allah Jalla wa Ala est celui qui pourvoit sa subsistance, surtout en des moments comme ceci, c'est toujours un rappel pour nous, en des moments de confinement, eh ben, la situation, comme on avait dit, financière de chacun, pour beaucoup, n'est pas facile. C'est pour ça que là, les gens ont besoin de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et remettre leur confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc au niveau des convictions, le fait de savoir qu'Allah Jalla wa Ala octroie la subsistance, eh ben ça va apaiser le croyant et il va s'en remettre complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit, hein, on avait dit at-tawakkul, ce qu'on appelle en arabe at-tawakkul, an yatawakkal al-insan al-muslim al-mu'min ala Allah Jalla wa Ala, fahada yakun bi fi'l al-asbab. On avait dit s'en remettre complètement à Allah, bien sûr, ça n'empêche pas de faire les causes, bien au contraire. Comme par exemple pour celui qui est malade, alors il veut la guérison, il implore Allah, il invoque Allah la guérison, qu'Allah le guérisse, mais par contre, il doit faire les causes, c'est-à-dire il se rend chez le médecin, s'il a un traitement à prendre, il va prendre son traitement, et en faisant toutes ces causes-là pour la guérison, ensuite il s'en remet à Allah et il invoque Allah, Jalla wa Ala. Et Allah, Jalla wa Ala, est celui, eh ben, qui le guérira en faisant marcher ses causes, en faisant que ces remèdes-là, ces médicaments-là, soient bénéfiques. Inch'Allah, par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant, quoi qu'il arrive, il s'en remet tout le temps à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ça va mener le croyant à savoir que Allah Jalla est celui qui pourvoit la subsistance, et ben ça va le mener, le ramener à reconnaître les bienfaits d'Allah, donc à le remercier. Et sachez que le remerciement fait partie des plus grandes adorations dans notre religion, le fait de remercier Allah Jalla. Par exemple, en telle période d'épreuve, sachez que Allah Jalla aime le remerciement, que ses serviteurs le remercient. Et c'est pour cela qu'Allah dans un verset nous dit, voilà, in shakartum la azidannakum, voilà, in kafartum inna adhabi la shadid. Et dans un verset, Allah nous dit, si vous me remerciez, je vais vous rajouter. Donc celui qui veut, qui voit qu'il vit des bienfaits, que Allah Jalla l'a comblé de ses bienfaits, celui qu'Allah veut qu'il lui rajoute, ça ne sert à rien d'envier les autres ou autres, mais plutôt remercier Allah Jalla, et vous allez voir que Allah Jalla va vous rajouter des bienfaits et du bien dans cette vie d'ici-bas. Ça mène la personne aussi à ce qu'on appelle en arabe al-qanaa. Al-qanaa, c'est une sorte de. La personne, lorsqu'il se suffit de ce qu'il a, il est content de ce qu'il a. Ce qu'Allah Jalla lui a donné, il en remercie le Créateur et il est vraiment content, il se suffit de cela, il se réjouit de ce qu'Allah Jalla lui a octroyé comme bien. Et parmi les bons points, les choses importantes à comprendre aussi, comme on l'avait dit hier, ça nous protège aussi de la servitude, d'être esclave de l'argent et de ne croire qu'en cela, comme beaucoup de gens, ils ne croient qu'en l'argent. Leur vie est basée sur. Cela, ils ne parlent que de cela. On avait fait leur appel sur cela. Et ils deviennent donc des matérialistes. Ça nous protège aussi de la jalousie, puisqu'on sait qu'Allah Jalla est celui qui octroie et qui donne. Donc, on sait que lorsqu'Allah a prédestiné des biens pour une personne, il ne faut pas envier cela. Pourquoi? Parce que ça serait se rebeller à ce qu'Allah Jalla, à Allah Jalla, celui qui a prédestiné et donné. Bien au contraire, celui qui veut des biens, alors il invoque Allah Jalla. Ça protège de la peur aussi, de la peur de l'inconnu, de la peur de demain. Le fait qu'une personne pense que si par exemple il perd son travail, il perd ce travail-là, donc il est perdu. Non, celui qui perd par exemple un travail, qu'il n'ait pas peur de l'inconnu, qu'il place sa confiance en Allah. Il va chercher un autre travail, il va faire les causes, et s'il s'en remet complètement à Allah, Allah Jalla va lui ouvrir les portes, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que ceux qui, lorsque par exemple ils perdent leur travail ou ils perdent ce moyen par lequel eh ben, ils avaient une entrée d'argent, alors parfois ensuite ils commencent à désespérer. Commencent à désespérer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, ils ont peur de cet inconnu, de cet invisible. Alors que ceux qui croient en Allah et qui savent qu'Allah Jalla est le pourvoyeur, le dispensateur de tous les biens, de la subsistance, alors ils placent leur confiance et ils savent que même s'ils ont perdu, par exemple, ce travail ou autre, alors Allah Jalla va leur ouvrir des portes. Et non, point de doute sur cela. C'est pour cela que beaucoup de gens, par exemple, lorsqu'ils ont eu le désir, par exemple, d'aller apprendre la science, regardez les grands imams précédemment, et en l'occurrence, à titre d'exemple, l'imam al-Bukhari. Beaucoup de ces grands imams, lorsqu'ils sont partis en quête de savoir et chercher les récits du prophète, sans salam, pour pouvoir distinguer entre les récits véridiques et mensongers, eh ben, ils ont mis tout leur bien. Ils ont dépensé tout leur bien et tout ce qu'ils possédaient pour apprendre cette science dans les voyages, pour la rencontre des grands imams et des grands maîtres dans le hadith, par exemple. Pourquoi? Ils n'avaient pas peur de cela. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que s'ils mettaient ça dans le sentier d'Allah, Allah allait leur accorder leur subsistance. Donc, ils n'ont pas peur de cela. Et ce qui freine parfois beaucoup de gens qui voudraient apprendre la science, alors, c'est la peur de l'inconnu. C'est la peur de la subsistance, de l'inconnu. Comme ça freine beaucoup de gens, par exemple, pour certains voyages, par exemple, des gens d'accomplir, par exemple, le pèlerinage. Beaucoup de gens qui avaient les moyens d'accomplir le pèlerinage, ils ont une somme pour accomplir le pèlerinage. Parfois, leur peur de l'inconnu, de se dire qu'ils vont dépenser cet argent, lorsque je reviens, ils vont avoir une sorte de peur de ne pas avoir d'économie ensuite. Comment est-ce qu'ils vont faire? Alors que celui qui place sa confiance en Allah, il va dépenser pour faire son hajj, son pèlerinage, et c'est qu'ensuite, quoi qu'il arrive, Allah Jalla est le grand pourvoyeur et dispensateur. Surtout celui qui a dépensé cela dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. De même, par exemple, une personne qui vit dans une terre où il n'arrive pas à accomplir sa religion, Il n'arrive pas à accomplir sa religion. Il n'arrive pas à adorer son Seigneur comme il se doit. Donc lui, ensuite, il se doit d'émigrer. Et ben, beaucoup dans cette situation n'émigrent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Donc regardez, celui qui place vraiment sa confiance en Allah, qui sait qu'Allah Jalla wa Ala, et celui qui pourvoit le grand dispensateur, le grand pourvoyeur de la subsistance, il n'a pas peur, bi'idhnillah, avec l'aide d'Allah et la permission d'Allah, il n'a pas peur de l'inconnu. Et donc, aussi parmi les bienfaits de cela, ça préserve de l'avarice. Les gens qui sont avares, par exemple, et ça, c'est une mauvaise qualité, et Allah blâme les avares et blâme l'avarice dans son livre, dans le Coran. Donc là, le musulman, lui, le croyant, doit être généreux. Il n'a pas peur de donner et de dépenser pour Allah, dans le sentier d'Allah, d'aider les nécessiteux. Par exemple, ça préserve la personne aussi de chercher sa subsistance dans le haram. Beaucoup de gens ne font pas attention, comme on l'a dit, en ce qui concerne l'acquisition et l'obtention des biens. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de musulmans aujourd'hui qui sont plongés dans les intérêts. Plongés dans les intérêts. Ils ont acheté des biens à intérêt. Alors que les intérêts, il n'y a aucune divergence chez les savants de l'islam que les intérêts dans l'islam sont haram et interdits. Il n'y a aucune divergence dans l'islam chez les savants. Ensuite, la question, c'est sur certains biens. Certains biens et certaines choses, est-ce qu'il est permis de les acheter de cette manière ou d'autre? Ça, c'est une autre question. Sinon, il n'y a pas de divergence chez les savants que l'usure est interdite. L'usure est interdite. Donc, ceux qui ont acheté des biens avec l'intérêt, avec des prêts à intérêt, par exemple, ou ceux qui gagnent de l'argent avec cette manière-là de faire, comme beaucoup, beaucoup de la communauté, beaucoup de musulmans font cela. Même beaucoup de jeunes dans les quartiers en France, et ben maintenant, s'amusent à prêter des sommes d'argent avec des délais, et les personnes doivent leur rendre l'argent avec des intérêts. Et si, par exemple, ils ne leur rendent pas cette somme d'argent qu'ils ont prêtée dans le délai prescrit, bien déterminé, alors ils ont déjà émis une somme qui serait prise en plus. Ça, c'est de l'intérêt, c'est de l'usure. Ça, c'est haram, c'est interdit. Il n'y a pas de divergence chez les savants de l'islam. Donc, ces gens-là, il faut qu'ils se rappellent Allah, il faut qu'ils se rappellent dans l'au-delà, ils ne gagneront rien dans cela. C'est pour ça qu'on voit que tous ceux qui ont cherché leur subsistance dans le haram, à la fin, ils n'ont fait que perdre. Il n'y a aucune bénédiction dans cela. C'est pour ça que le croyant se doit de craindre Allah, il ne faut pas devenir esclave des biens. Donc, on continue, Inch'Allah. Ensuite, Shir va nous expliquer maintenant le terme, maintenant d'une manière plus subtile ici pour bien comprendre. Razak, donc il dit, c'est bisiratil mubalara, comme on l'avait dit, wa la takun illa lillah. Lorsqu'on utilise le terme Razak pour dire le grand pourvoyeur, le grand dispensateur des biens, Razak, ce terme-là, ce nom-là, n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, le fait d'utiliser le verbe Razaqa yarzuqu, par exemple, fatakun lillah wa lil makhluq. Ça, on peut l'utiliser aussi bien pour Allah Jalla wa Ala comme pour ses créatures. Par contre, Razaq, ce nom-là, ça, cela est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, utiliser le verbe de cela, en arabe, on peut utiliser le verbe Razaqa yarzuqu, fatakun lillah wa lil makhluq. Ça, on peut l'utiliser, de dire en arabe, il donne la subsistance, par exemple, Razaqa yarzuqu, ça on peut l'utiliser aussi bien pour Allah que pour ses créatures. Dhul-quwwa, celui qui détient maintenant la force. Wadhu, c'est bimarna sahib en arabe. Bimarna sahib, celui qui détient la force. Wal-quwwa en arabe, c'est hi al-fi'l bil-adhaf. C'est le fait de faire une chose, d'avoir la capacité de faire une chose sans qu'il y ait une quelconque forme de faiblesse. De faiblesse. Et donc, il faut faire, Shir ici nous explique que dans la langue arabe, dans les subtilités de la langue arabe, il faut faire la distinction avec le terme qu'on appelle el-Qudra. El-Qudra qui est la puissance et la capacité de faire. Pourquoi? Parce que el-Qudra, ce n'est pas la force. Ce n'est pas la force. C'est pour ça que dans la traduction, on fait el-Quwa, on le traduit bien par la force ici, pour bien qu'il y ait une distinction avec le terme puissance, el-Qudra, la capacité de pouvoir faire une chose. Pourquoi? Parce qu'elle qudra, elle fait le bila ajz. Elle qudra, c'est le fait d'avoir la capacité de faire une chose sans qu'il y ait elle ajz. Elle ajz, c'est l'incapacité. C'est l'incapacité. Regardez la subtilité, la différence entre elle quwa ou elle qudra. C'est pour ça que le savant ici, Cheikh Ibn Al-Thaymin, nous explique que dans la langue arabe, il y a une différence entre les deux termes. Elle qwa, la force, c'est faire la chose sans qu'il y ait une quelconque faiblesse. Tandis que la capacité, la puissance, c'est quoi? C'est faire la chose sans qu'il y ait une incapacité. Et là, dans langue arabe, donc, il y a différence claire entre la faiblesse et entre l'incapacité. Falquwatul fi'l bila daf. C'est pour ça qu'on traduit donc al-quwa ou al-qudra d'une manière différente. C'est pour ça, regardez dans un verset, Allah nous dit: Allah alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa. Allah nous dit dans une traduction relative d'un verset, dans le verset 54 de sourate Ar-Rum, les Romains, Allah dit: Allah vous a créé à min da'f, d'une faiblesse, à partir de la faiblesse, c'est-à-dire que l'individu a été créé et il était faible. Il était faible. Fa Allahu alladhi khalaqakum min da'f thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa. Ensuite, Allah Jalla wa Ala, après cette faiblesse, il a mis al-quwwa. Il a mis à l'être de la force. Min ba'di da'fin quwwa. Wa lam yaqul thumma ja'ala min ba'di da'fin qudra. Et Allah, donc regardez, il a dit après cette faiblesse, il n'a pas doté et donné à l'homme la capacité, la puissance, mais il a dit, il lui a donné la force. Il lui a donné la force. Donc regardez, ici c'est très subtil et très pertinent. Dans ce verset, il y a mentionné le terme en arabe daf, qu'on traduit par faiblesse. Donc après cette faiblesse, donc l'homme était créé et il était faible. Ensuite Allah Jalla wa'ala l'a doté de ce qu'on appelle al-quwwa. Donc les deux termes sont cités, al-daf. Ensuite, après cette phase, Allah Jalla wa'ala a doté l'homme de la force. Il lui a donné al-quwwa. Donc, le contraire de al-daf, ce qui a été mentionné ici, c'est al-quwwa. Et par contre, on a un autre verset où Allah Jalla wa'ala, dans Surat al-Fatir, le verset 44, où Allah dit « وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا » Allah, dans un verset, dit « Il n'y a rien qui peut rendre incapable ou mettre Allah dans l'incapacité, dans tout ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. » إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. Donc c'est vraiment une traduction relative du sens du verset. Certes, il est celui qui a la science infinie et celui qui est capable de tout. Donc regardez, le terme qui est mentionné au début du verset, لَا يُعْجِزُهُ لَا يُعْجِزُهُ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا عَلِيمًا قَدِيرًا. Donc vous avez vu ensuite, donc Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, donc il nous explique la différence entre les deux termes, al-quwwa. En l'occurrence, c'est dhul-quwwa. Donc c'est al-quwwa qui est cité dans le verset. Et il dit donc qu'il faut faire la différence entre al-quwwa en arabe et al-qudra. Al-qudra, c'est ce qu'on traduit plus par la capacité, la puissance. Et donc ensuite, il nous explique donc que la différence qu'il y a entre les deux, c'est que l'inverse, l'opposé de al-quwwa, c'est la faiblesse. Et l'opposé de al-qudra, donc c'est l'incapacité. L'opposé de la puissance et de la capacité, c'est l'incapacité. Donc la différence de ces termes en arabe. Et de cela, il nous a mentionné cela avec les versets précédemment cités. Et c'est pour ça que dans le dernier verset qu'on a cité, où il y a la mention justement, où Allah Jalla wa'ala dit « وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا » Il dit, regardez, dans ce verset, lorsqu'Allah dit « إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا لَمْ يَكُنْ كَانَ عَلِيمًا قَوِيًّا لِأَنَّ الْعَجْزَ ضِدُّهُ الْقُدْرَ وَالضَّعْفَ ضِدُّهُ الْقُوَّةِ » C'est pour cela que le Cheikh, il nous dit, pourquoi? Parce que dans ce verset, lorsqu'Allah, une traduction relative, nous dit, dans le verset 44 de Surat al-Fatir, donc lorsque Allah Jalla wa'ala nous dit qu'il n'y a rien de ceux qui sont sur terre plutôt, et dans les cieux qu'il peut rendre, qui peut mettre Allah Jalla wa'ala dans l'incapacité, une traduction relative du sens du verset, dont rien de ce qu'il y a dans les cieux et sur terre ne peut mettre Allah Jalla wa'ala dans l'incapacité. Innahu kana aliman. Allah Jalla wa'ala huwa al-alim, celui qui a la connaissance de tout, qadira. Et Allah Jalla wa'ala a utilisé le nom qadira ensuite à la fin du verset pour dire, il est certes celui qui est le puissant, c'est-à-dire celui qui a la capacité. La capacité sur tout. Une traduction approximative et relative, hein, rapprochée. C'est pour cela que Cheikh Ibn Uthaymeen nous dit, Allah Jalla wa'ala, à la fin de ce verset, lorsqu'il dit, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ, il n'y a rien parmi ceux qui sont dans les cieux ou bien sur terre qui peuvent mettre Allah Jalla wa'ala dans la capacité. À la fin du verset, il a dit, إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. Il n'a pas dit, إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَوِيًّا. n'a pas utilisé le terme celui qui est al-qawi, celui qui a la force, mais il a utilisé le terme celui qui est capable de tout, de toute chose. لأن العجز, pourquoi? Parce qu'il dit que le terme en arabe al-ajz, ce qu'on traduit par l'incapacité, c'est l'opposé, c'est ce qui est inverse au terme al-qudra, la puissance et la capacité. Et l'inverse, l'opposé de la faiblesse, c'est la force. C'est pour ça qu'ensuite, dans le verset, on est toujours sur l'explication du verset qui est l'intitulé du chapitre qu'a mentionné l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Ensuite, Allah Jalla wa'ala dit al-matin. Allah dit dhul quwwati al-matin. Donc, Allah Jalla wa'ala, inna Allah huwa al-razzaqu dhul quwwati al-matin. Allah donc est le dispensateur, le pourvoyeur de la subsistance. Dhul al-quwwa, celui qui est le détenteur de la force, l'inébranlable. Donc, ça, c'est la traduction, hein, qui est donnée pour ce verset. Et donc, Allah Jalla wa Ala, après qu'il nous ait dit qu'il est le détenteur de ce qu'on appelle Al-Quwa, et qu'on traduit ici en français par la force, il est dit que Hu Al-Matin, Hu Al-Matin. Donc, le préférable, c'est de rester sur le terme en arabe. Et Al-Matin, c'est été traduit ici dans la traduction du verset, l'inébranlable. Et Al-Matin, c'est celui qui a en arabe Al-Matana, qui a l'attribut d'Al-Matana. C'est pour cela que Cheikh Ibn Al-Uthaymeen, lorsqu'il va expliquer ici ce passage, il dit Al-Matin ay Al-Quwwatul Shadida. C'est celui qui a vraiment une force, vraiment infinie. Une force ici qui est Shadida, Al-Quwwat Al-Shadida. Fahuwa Dhul Quwwati Shadida. Et donc il dit Dhul Quwwati Al-Matin fi hadhihi al-aya min asma' Allah Jalla wa Ala. Min asma' illahi Jalla wa Ala. Allahu, il dit, wa fi hadhihi al-aya min asma' illahi thalathatun. Allahu ar-Razzaqu wal-Matin. Wa fiha min sifat illahi al-arba'a al-uluhiyya wal-rizq wal-quwwa wal-matana. Wa al-matana. Et Cheikh Ibn Al-Uthaymeen nous explique donc dans ce verset, il y a la mention de trois noms. Donc on a la mention de trois noms. Il dit Allahu ar-Razzaqu wal-Matin, wal-Matin. Donc là, on a ici trois noms d'Allah Jalla wa Ala. Allahu ar-Razzaqu wal-Matin. Wa fiha min sifat illahi arba'. Et il dit aussi il y a la mention donc de quatre attributs. Donc on a la mention de trois noms dans le verset. Ensuite, il y a aussi la mention de quatre attributs. Et parmi ces quatre, donc il dit, ou plutôt ces quatre attributs, il dit Al-Uluhiyya, la divinité, ou Al-Rizq, la subsistance, ou Al-Quwwa, la force, et pour terminer le quatrième, Al-Matana. Il dit Al-Matana. Donc c'est-à-dire celui qui est Al-Matin, c'est celui qui détient l'attribut de Al-Matana en arabe. Et ensuite, l'imam Al-Bukhari, donc, après avoir mentionné ce verset, on a dit en tant qu'intitulé du chapitre, il a mentionné, il a évoqué ici un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le hadith que nous rapporte Abu Moussa al-Ash'ari, radiallahu anhu, qu'Allah lui accorde ça, qu'Allah l'agrée. Alors il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou Abu Moussa al-Ash'ari nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un récit, a dit, traduction relative du récit, personne n'est plus patient qu'Allah face aux paroles nuisibles qu'il entend, c'est-à-dire des gens. Il lui attribue un enfant, puis il leur accorde la santé et il leur accorde la subsistance. C'est ce récit qu'on va essayer de comprendre très rapidement. Et l'imam al-Bukhari il conclut ici ce chapitre avec l'évocation ou la mention de ce hadith. Donc, Cheikh Ibn Al-Uthaymeen, on va à l'explication de Cheikh Ibn Al-Uthaymeen de ce hadith. Il nous dit, Ma ahadun asbaru ala adha. Samirahu min Allah Jalla wa Ala. Il n'y a pas plus patient. Il n'y a pas plus patient qu'Allah. Et ici, donc, Cheikh Ibn Al-Uthaymeen et les savants donc, nous enseignent donc qu'il y a l'attribut de la patience. Donc, Allah Jalla wa Ala, ici, il y a la confirmation, l'affirmation de l'attribut de la patience pour lui, Subhanahu wa Ta'ala. Et cela, comme il convient à Sa Majesté, exalté soit-il, et comme il convient ainsi à Sa Magnificence, Subhanahu wa Ta'ala. Et c'est pour cela que il y a ithbat sifat as-sabr Et ensuite, dans le hadith, le prophète sallam nous dit Yaddaruna lahu al-walad thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Yani annahum yaquluna inna lillahi waladan kama qalat al-yahud Uzayrun ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah wa qala al-mushrikuna al-mala'ikata banatullah wa al-mala'ikatu banatullah wa huwa yu'afihim wa yarzuquhum. Hadhihi natijatu as-sabr. إنه يعافيهم ويرزقهم مع أنهم يدعون له الولد ودعوة الولد لله عز وجل تتضمن شيئين. Donc regardez ensuite, on apprend dans ce récit qu'Allah est le plus patient face à ces paroles nuisibles. Le fait que alors ces gens blasphèment au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque par exemple ils amputent un enfant et ils attribuent un enfant à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'ont fait Al-Yahoud, les judaïstes, lorsqu'ils ont dit que Uzair, wa ibnullah, était le fils d'Allah. Et comme l'ont fait aussi Al-Nasara, les chrétiens, lorsqu'ils ont dit Al-Masihu, wa ibnullah, que le Messie est le fils d'Allah. Tout ça, ce sont des enfants qu'ils ont attribués à Allah, Jalla wa ala, faussement. Cette attribution est fausse et une injustice. Et cela ne convient pas à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, il est au-dessus d'avoir des enfants subhanahu wa ta'ala. Allah est l'unique. C'est pour ça que même les polythéistes arabes à l'époque avaient attribué al-banat, des filles à Allah, en disant que les anges étaient des filles d'Allah. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré cela, il nous dit, Allah jalla wa ala, mais malgré ces paroles-là, Allah patiente face à ces nuisances, wa huwa yu'afihim. Alors il leur accorde la santé, et ça c'est et ça c'est le résultat de la patience, Cheikh Ibn Uthaymeen nous dit, du fait qu'il leur accorde quand même la santé, il leur octroie leur subsistance, alors que ils prétendent un enfant, ils lui attribuent un enfant. Et Cheikh Ibn Uthaymeen ensuite il va nous dire, prétendre qu'Allah Jalla wa Ala a un enfant, ça sous-entend, induit deux choses. La première chose, الشيء الأول تكذيب الله جل وعلا فإن الله تعالى نفى أن يكون له ولد بل نزه نفسه عن ذلك سبحانه أن يكون له ولد. Première chose, ça sous-entend ici démentir Allah جل وعلا. Pourquoi? Parce qu'Allah جل وعلا a nié cela pour lui. Allah a nié d'une manière catégorique qu'il lui soit attribué un enfant. بل نزه نفسه عن ذلك. Dans un verset, Allah dit سبحانه أن يكون له ولد. Gloire à lui, exalté soit-il, qu'il est un enfant. Allah est au-dessus de cela. Allah est au-dessus de cela. والوصف الشيء الثاني, la deuxième chose ici, le fait d'attribuer un enfant à Allah. Donc on a dit, Shir nous explique que ça induit deux choses. La première chose, c'est démentir Allah جل وعلا, puisque Allah a nié cela et a réfuté cela. Et deuxièmement, وصف الله بالنقص, c'est attribuer à Allah, Jalla wa Ala, l'imperfection. Et cela est interdit. Il est interdit pour le croyant d'attribuer à Allah, Jalla wa Ala, pour l'être humain, pour les créatures d'Allah, il est interdit d'attribuer l'imperfection à Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah a lui les attributs de perfection, subhanahu wa ta'ala. Et donc, le fait de lui attribuer un enfant, une descendance, cela est une imperfection. لِأَنَّهُ لَا يَحْتَجِ إِلَى الْوَلَدِ إِلَّا مَنْ كَانَ نَاقِصًا. Parce qu'Allah Jalla wa Ala n'a pas besoin d'avoir une descendance, n'a pas besoin d'avoir un enfant. Et celui qui est dans le besoin, c'est celui qui est doté ou bien qui est caractérisé par l'imperfection et la diminution. فيحتاج إلى الولد ليعينه من مهمهات أو من مهمهاتي من مهمهاتي plutôt فيحتاج إلى الولد ليعينه في مهماته plutôt ليعينه في مهماته وليبقى نسله بعده لأن الإنسان إذا مات بلا نسل نسي ولم يأتي له ذكر اللهم إلا من علم أو صدقة جارية وما أشبه ذلك. وعلى كل حال هؤلاء أذوا الله جل وعلا بدعوى الولد ومع ذلك يعافيهم ويرزقهم ولولا صبره سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. Ensuite donc, regardez Allah Jalla wa Ala Donc lui n'a pas besoin, notre Seigneur n'a pas besoin d'enfant. Celui qui a besoin d'un enfant, par exemple, c'est celui qui plus tard aura besoin d'une descendance pour l'aider, ou pour il faudrait une descendance pour la préservation du nom de la famille, pour préserver la généalogie de la famille, pour pas que cette famille ou cet individu sombre dans les abîmes de l'oubli, parce que celui qui n'a pas de descendance ici, eh ben, sombre dans l'oubli. Et Allah Jalla wa'ala, donc n'a pas besoin de cette généalogie-là, n'a pas besoin d'enfants. C'est pour ça qu'on ne peut pas attribuer cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de même, ensuite, malgré cela, Allah Jalla wa'ala, comme on a dit précédemment, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, malgré cela, il accorde la santé et il octroie la subsistance aux êtres. Wa yu'afihim fi abdanihim min al-amrad. Donc Allah Jalla wa'ala leur accorde la santé des corps. ويعافيهم من أو في أغراضهم من أن تنتهك ويرزقهم أيضا من مع العافية رزقا. Et donc Allah Jalla wa Ala, donc leur accorde la santé, des corps, leur octroie leur subsistance malgré cela. Donc Allah Jalla wa Ala, je vais nous expliquer pour terminer. Lorsque on parle de cette patience, il dit c'est une patience qui est réelle. Donc Allah Jalla wa Ala, il dit As-sabr wa haqiqi, na'am haqiqiyun. لكنه لا يشبه صبر المخلوق لأن المخلوق قد يصبر لكن مع التضجر والتملل والتملل وأما رب العالمين فلا يلحقه من صبره شيء كما يلحق المخلوق من صبره. Et c'est pour cela que aussi il nous explique pour terminer que l'attribut de la patience d'Allah Jalla wa'ala n'est point comparable et point semblable à celui de des êtres. C'est-à-dire que Allah Jalla wa'ala, lorsqu'on lui attribue la patience, c'est incomparable, ce n'est pas similaire à la patience de l'être humain. C'est pour ça que il faut faire bien la différence. La patience de l'être humain, eh ben, elle est mêlée à une forme de lassitude, de faiblesse, de patience, tandis qu'Allah Jalla wa'ala, sa patience est une patience parfaite, incomparable avec la patience des êtres humains. C'est pour ça que lorsqu'on parle de patience pour les êtres humains, ce terme-là, lorsqu'on l'attribue à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme il convient à sa majesté, comme il convient à sa magnificence, exalté soit-il subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui est comparable à Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà, regardez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que il était pertinent et judicieux lorsque l'imam al-Bukhari a cité ce chapitre lié à l'attribut de la subsistance, le fait qu'Allah Jalla wa Ala est le pourvoyeur, dispensateur de la subsistance, du fait que cela est lié à sa miséricorde. Et cela est lié à la miséricorde infinie de notre Seigneur Subhanahu wa Ta'ala. Donc ici, on voit le lien qu'il y a entre ce chapitre et le chapitre précédent. À savoir, pour terminer, juste, on avait dit que Uzair, on avait oublié de le stipuler tout à l'heure, Uzair, cet homme, donc qu'ils ont attribué à Allah en disant que c'était son enfant, Uzair, à la base, comme dit Ibn Kathir, c'était un homme pieux. C'était un homme pieux issu des fils d'Israël, des enfants d'Israël, et qui était important à leurs yeux. Qui était important à leurs yeux, du fait qu'il est dit qu'il mémorisait la Torah, qu'il mémorisait par cœur la Torah. Et à leur époque, c'était un homme pieux. Certains savants ont dit que c'était un prophète. D'autres, donc, l'avis est partagé entre le fait, est-ce que c'était un prophète ou bien c'était un homme pieux et sage, un dévot. Et ala kulli hal, dans tous les cas, donc, c'était une personnalité importante pour les enfants d'Israël, du fait qu'il est mentionné qu'il mémorisait la Torah. Et aussi, il a été mentionné aussi que parfois, il le retrouvait alors qu'il était seul. Parfois, il le retrouvait avec des mets, avec des aliments, avec de la nourriture. Alors, il ne savait pas d'où provenait cette nourriture. Et lorsqu'il l'interrogeait, d'où provient cette nourriture? Alors, lui, il leur disait, cela provient de mon Seigneur. Et c'est pour cela, avec tout ça, certains historiens et savants ont dit que plus tard, donc, ils l'ont attribué à Allah en disant que c'est un enfant, c'est le fils d'Allah, subhanahu wa ta'ala, gloire à Allah, exalté soit-il, il est au-dessus de cela, Allah est l'unique. Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad. Allah n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté. Il n'a ni engendré, ni n'a été engendré, subhanahu wa ta'ala. Attribuer un enfant à Allah, jalla wa'ala, c'est le sous-estimer. c'est sous-estimer Allah Jalla wa Ala. Et lorsqu'ils ont attribué Uzair à Allah, ou bien ils ont attribué Isa ibn Maryam al-Masih à Allah Jalla wa Ala, c'est les avoir surestimés. C'est avoir surestimé ces hommes en disant qu'ils étaient les enfants d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et en surestimant ces hommes, ils ont sous-estimé le Créateur, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que c'était très important d'avoir mentionné cela dans le chapitre de l'unicité, le fait que notre Seigneur est un Seigneur unique. Ni n'a été enfanté, ni il n'a enfanté. Il est seul et unique. Il n'a pas besoin de compagne. Il n'a pas besoin de descendant, ni d'ascendant. Allah Jalla wa Ala huwa al-Ahad. C'est le seul et l'unique. Et c'est ça le sens de la parole La ilaha illallah. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Et donc, on a terminé l'étude de ce chapitre. Et dans la prochaine allocution, Inch'Allah, de demain, si Allah nous le permet, on commencera une nouvelle allocution. Wallahu a'lam. Wa billahi tawfiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa nas'allaha jalla wa ala an yaj'ala hadhihi al-kalima fi mizani hasanatina jami'an wa an yuwaffiqana. وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا من الفائزين في هذه الدنيا وفي الآخرة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا والله أعلم والله المستعان وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك